RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot et les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules recevront Smaïn tout à l'heure. Smaïn, c'est son grand retour. D'ailleurs, le début de son spectacle, il commence comme ça. Ça, il fait I come back. Avec Olivier, nous l'avons back en ce moment. Smaïn, qui aurait misé encore quelques euros sur Smaïn, 47 ans, il revient après des bides au cinéma, personne l'attendait sur scène, donc on parlera avec lui de ce qu'il compte faire, de son avenir, est-ce qu'il a encore véritablement un public, Smaïn, est-ce qu'il a gardé ce public? Rendez-vous avec lui au 3216 en direct, les grandes gueules et internet et le téléchargement. Le téléchargement sur Internet, aujourd'hui, on le sait, ceux qui gratuitement prennent de la musique, prennent des jeux vidéo, prennent des films, sont devenus des délinquants et un professeur de 28 ans, un prof, se retrouve dans le jeune prof de lettres qui avait téléchargé l'équivalent de 600 albums sur un site d'échange sur Internet, 1500 euros d'amende requis contre ce prof internaute, qui avait donc copié de la musique sur Internet d'une façon illégale, puisque c'était gratuit. Il s'appelle Alain Audoz, il a 28 ans, et il est prof de lettres dans un lycée en région parisienne, et c'est vrai qu'il a été surpris, parce que c'était au mois d'août, et les gendarmes ont débarqué chez lui, lui ont confisqué son ordinateur, ses CD gravés, il y avait 185 CD gravés, et il s'est retrouvé devant un tribunal. Alors, le verdict sera prononcé le 2 février 2005, mais c'est vrai que lui comprend pas, parce qu'il a bien l'impression que dans cette histoire, c'est un bouc émissaire. Il a téléchargé, comme le font des milliers de personnes chaque jour, des jeunes. Alors, il est prof, est-ce qu'il doit montrer l'exemple? Il risque gros, voilà. Il risque gros. Il risque gros pour sa carrière, il risque gros pour simplement sa réputation. Et c'est vrai que c'est difficile s'il est condamné, ensuite continuer à enseigner. Alors, outre ce prof, je rappelle qu'à 15 jours, deux informaticiens se sont fait aussi condamner par le tribunal correctionnel de Blois. 2 mois de prison avec sursis, 20 000 euros de dommages et intérêts pour avoir téléchargé, copié des logiciels, des jeux, des films de la musique sur Internet. D'accord. T'es d'accord, Sophie Menton? Oui, je suis d'accord. D'abord, le prof, il faut quand même le dire. Discussion en 32-16 avec les grandes. Il faut quand même le dire, un prof, ça donne l'exemple. C'est vrai, c'est un peu comme les hommes politiques, on doit être moins tolérant. Un prof, si le prof fait ça, les élèves se disent, bah ouais, on a le prof qui le fait. Je veux dire, c'est exemplaire, un professeur. Oui, les profs à l'école. Ouais, et donc, les mots, ça télécharge beaucoup. Ça se sait, il doit être avoir un comportement impeccable. Et deuxièmement, il y a quand même un moment. Même plus de sévérité pour lui. Oui, moi, personnellement, je pense que c'est sévère. C'est mon opinion. Je pense que c'est un exemple et donc il faut montrer qu'on ne tolère pas. D'accord, voilà. Et la deuxième chose, je comprends bien qu'on soit tenté par cette gratuité. Je comprends très bien. Et simplement, qui va finir par payer la musique? Il y a un moment. C'est trop cher de toute façon. Non mais ça veut rien dire. C'est un autre débat. Oui, c'est beaucoup trop cher. Mais attends, c'est trop cher pour qui? Pourquoi? Comment? Quand il n'y aura plus de musique, qu'est-ce que tu feras? Mais ça dépend de quelle musique d'abord. Parce que tu vois. Attends, c'est un autre débat aussi. Ce raisonnement, alors dans ce cas-là, tu le tiens pour tout. Cette voiture est trop chère. Mais moi, quand quelqu'un achète un de mes bouquins, il le passe à 10 personnes. Vous avez posé la question? Quand on m'édite en livre de poche, je crois que je touche 2 francs par livre, vous voyez? Le livre, c'est un truc qu'on gagne pas d'argent. Il y a une disproportion énorme entre tout ce qui touche au show business et ce qui touche à la culture classique. Le sujet n'est pas là, on est en train de parler. De toute façon, un prof gagne très peu d'argent. S'il veut réellement avoir une discothèque aujourd'hui parce qu'il veut que tu aies de la musique, et ben ça coûte plus de 15 euros un disque. C'est interdit par la loi. Terminé. C'est accessible. Il y a toute la technologie qui est en vente. C'est interdit par la loi. Ça se fait tout seul. T'es jaloux là? Non, je suis pas du tout jaloux. J'ai jaloux des sanctions qui sont contrôlées. Je trouve que c'est démagogique. Je trouve que ça ressemble des gendarmes qui arrivent chez toi parce qu'ils sont en train de télécharger. Tu peux prendre dans le temps, t'écoutes la radio, tu prenais une cassette, tu mettais dans ton cassette et tu enregistrais la musique de la radio sur la cassette. Pourquoi la police débarque pas? Ça fait penser à du Orwell, quoi. Je veux dire, la police arrive chez vous, vous étiez en train. Là aussi, on vole. Je veux dire, c'est pas différent. Reconnais que les victimes dans cette histoire, ce sont les ayants droit, ceux qui ont composé la musique, ceux qui ont écrit les paroles, ce sont les artistes. Alors après que les maisons disent que les artistes, on n'a pas vu beaucoup dans ce métier-là. Et bien, se reprocher sur les prix pratiqués, sans doute, mais les artistes. En réalité, il y a une crise parce que les majors en ce moment, à cause de leur politique de court terme, de merde, de Star Academy, etc., font moins 30% cette année, ils sont dans la catastrophe, et ils essayent de se persuader que c'est dû au téléchargement. Or, il y a des études assez complexes qui montrent que c'est pas forcément si vrai. La crise de la vente est plutôt liée à une crise de baisse de qualité, de recrutement, etc. Et je trouve que cette affaire-là, évidemment, bon, il y a des problèmes de légalité, etc., mais quand on voit que les gendarmes débarquent chez un mec parce qu'ils téléchargent de la musique, c'est vrai que c'est violent. Et que là, on balance son nom et son prénom à la radio, ce qui est quand même un truc de délation. C'est dans le journal aussi, Et qu'on va essayer de rayer l'éducation nationale. femme. Je suis désolé, il aurait mieux valu qu'il tripote des gosses, visiblement. Ça aurait été moins grave. Oh, Karim Zeribi. Je pense qu'il y a deux débats, là. Il y a effectivement, il faut éviter le piratage, autant que possible, parce que c'est un business, quand même, qui est en train de couler. Et je pense pas que... bosse et donc qui en vivent, donc il faut qu'on pose un cadre bien précis pour éviter ça. Je veux dire, ça paraît évident. Je veux dire, sinon on veut tuer un business, quoi. Faut le dire clairement. Moi, je trouve que si on tue le business de la musique, on verra à nouveau la bonne musique. Ça n'apporterait pas de solution. Pourquoi, par exemple, tu dis ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on veut faire tellement un exemple de ce professeur, et c'est qu'on lui impute presque tout sur la tête. On le laisse dans les médias. Il n'est pas marqué dans la loi qu'il est prof. On le laisse dans les médias. On peut venir gendarmer chez lui. Là, je trouve. Ça, je viens de le dire, donc ça m'arrête de le dire deux fois. On va trouver. J'ai pas marqué dans la loi qu'un prof doit avoir une justice d'exception plus grave pour lui parce qu'il est prof. On n'a pas dit ça. On dit, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais non, au contraire, on est en train de dire qu'on trouve qu'on fait un exemple trop lourd et trop fort sur ce type-là. La loi ne fait pas des exemples. C'est tout. Non, je suis désolé. Elle est égalitaire. Par contre, moi, là où je voudrais dire, quand Sophie, elle dit un professeur doit plus montrer l'exemple. Attendez, ce débat-là. J'ai un homme politique aussi qui doit plus montrer l'exemple. Un fonctionnaire de police. Un juge. Un parent aussi. Tout le monde doit donner l'exemple. Donc, donc, je vois pas un professeur. Je voudrais juste dire que d'abord, on ne mélange pas les choses. Je trouve insultant de comparer ce genre de choses à la pédophilie dans les écoles. Je trouve qu'il y a un problème économique qu'il faut régler. D'autre part, il y a un problème d'un acte illégal qui est fait ostensiblement en toute connaissance de cause. Ça doit être puni. Qu'on le cite, je ne suis pas d'accord. La question est de savoir si c'est la bonne réponse. Est-ce que la bonne réponse pour lutter aujourd'hui contre le piratage et contre un phénomène effectivement qui fait du mal à une industrie, alors après on peut la dénoncer, c'est un stream, elle existe et il y a des emplois derrière, des gens qui travaillent et qui sont sincères dans leur façon de travailler. Et c'est un boulot. Hein. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse de prendre un type, de le foutre devant le tribunal, devant les caméras, de dire oh là, c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est pas terrible, mais t'as trouvé autre chose. D'abord, c'est pas légal, donc il faut punir les gens. Si tu les piques pas, ça va. Si on n'a pas trouvé autre chose, mais il faut que de l'autre côté, comme le disait aussi Olivier, il faut que l'industrie du disque et l'industrie du cinéma réfléchissent Elle a du mal quand même, parce que vous avez reçu ici Pascal Nègre notamment, et quand on peut donner des leçons, lui, le patron de l'élégance, c'est d'Universal, c'est du talent. Et quand tu lui parles effectivement aujourd'hui des nouveaux produits à apporter sur le marché de la baisse du prix du disque, ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Et la baisse des prix, moi, je ne suis pas d'accord avec l'argument d'Alain Soral qui nous dit bah oui, mais le CD c'est trop cher, donc c'est normal d'aller le chercher gratuitement sur Internet. Dans ce cas-là, quand tu vois une belle voiture, moi j'ai des belles voitures, j'aimerais bien les avoir, je peux pas les payer. C'est pas vrai, parce que voler une voiture, c'est vraiment un acte. Il y a un acte de délinquance objectif, alors que là, la technologie est là. Vous êtes sur Internet, vous surfez. Il y a un site, vous allez dessus, boum, vous téléchargez. Attends, en nombre. Si tu le fais pour toi, déjà, c'est pas pareil. Il n'y a pas ce frisson de la délinquance. Je suis désolé, le mec est même étonné. Là, tu as le confort de le faire à la maison, chez toi, sur ton siège. Moi, je ne sais pas le faire. Alors, je ne peux pas le faire, c'est trop compliqué. De la délinquance. C'est pour de la revente. C'est pas comme aller crocheter une serrure. Non, mais par exemple, quand tu passes dans ta rue, tu as l'épicier qui a mis ses fruits et légumes comme ça en état. Là, tu ne voles pas parce que tu peux le faire. C'est facile à prendre. Sur la main, tu ne fais pas télécharger. J'aimerais que les gens appellent pour dire combien de gens en France téléchargent. Alors, à titre personnel et en nombre, c'est déjà pas pareil. Faites-vous partie de cette nouvelle délinquance aujourd'hui. 3216, rmcinfo.fr, les SMS au 61038. Combien de milliers de titres avez-vous sur votre ordinateur? Le téléchargement à bon marché qui rapporte bien sans charge, me dit-on déjà par SMS. Et puis, Kamel de Lyon, trouvez-vous normal qu'on condamne ceux qui téléchargent et pas ceux qui font aujourd'hui les ordinateurs et les lecteurs DivX et autres MP3 qui servent à les lire? Non, c'est une connerie de dire c'est pas parce que mais on n'a pas le droit d'avoir un cran d'arrêt, par exemple, mais il y en a plein les vitrines des magasins dans les quartiers chauds, par exemple. Ça m'a toujours scandalisé. Ça, vous baladez au Val, vous avez une vitrine de marchands de jeans et ils vendent des couteaux à cran d'arrêt pour tuer des gens. Et ben, on a le droit de les acheter, on n'a pas le droit de les avoir. Je trouve qu'à un moment donné, l'ordinateur n'est pas une arme. Non, mais c'est malhonnêteté que toute la technologie est à disposition. C'est un objet de délinquance. Non, mais attends, si c'est à disposition, c'est pas pour ça que tu voles et que tu tues, enfin. Non, mais il n'y a pas un moyen d'empêcher le téléchargement techniquement. Sophie de Menton, Karim Zeribi, vas-y, avant que l'on écoute parce que je pensais que tu voulais intervenir. Non, alors effectivement, Alain a raison de poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de techniquement d'arrêter le téléchargement? Il le cherche. Le moyen. On vous l'offre, on vous le propose, c'est-à-dire qu'on vous sollicite pour le faire. Le moyen, c'est demander aux fournisseurs d'accès Internet, qui font d'ailleurs beaucoup d'argent là-dessus, hein. Parce que bien sûr, la principale ils ont le droit de le vendre. Aujourd'hui, la majorité sur Internet, notamment les sites payants, notamment. Donc, on peut demander aux fournisseurs d'accès à Internet de faire le ménage. De pouvoir télécharger pour pas trop cher, et que ce soit tout à fait pareil que d'avoir le truc avec le coffret. Moi, effectivement, je télécharge la musique, mais je la paye, la musique. Pierre, bonjour. Sur Internet. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour les grandes gueules. Bonjour, bienvenue au milieu d'Alain Soral, Sophie de Menton, Karim Zerbi, Olivier Truchot. Mon cher Pierre, il va falloir vous défendre. Est-ce que vous faites partie de cette nouvelle délinquance, Pierre? Oui, je suis un gros délinquant, oui, en effet. C'est bien de l'avouer. Je télécharge jour et nuit, je prends de la musique, que je rejette par la suite parce que la qualité n'y est pas, quoi. Mais pour en faire commerce ou pas? Attendez. Pour en faire commerce ou pas? Ou est-ce que c'est juste pour votre usage personnel? Absolument pas. Je n'ai jamais gravé ni vendu un CD pour quelqu'un. Non, je ne fais pas pour usage personnel comme pour le prof. Pierre, quelle est l'ampleur du téléchargement de ce que vous avez maintenant chez vous? Dites-le nous, qu'on comprenne. 2500 albums. Je télécharge jour et nuit. Ah bah il est crabouillé le pauvre prof là. Pierre, vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer des CD? C'est pas ça, je découvre des musiques et je vous dis, j'en viens beaucoup après par la suite, parce que la qualité ou ça ne me plaît pas. Donc je télécharge, j'écoute ce que je peux écouter et ensuite je viens. Alors Pierre, aujourd'hui vous prenez le risque de vous retrouver devant un tribunal comme ce jeune prof de lettres. Un jour peut-être que les gendarmes vont débarquer chez vous. Il vend pas, c'est ça qu'il faut dire. Ce qui serait scandaleux, c'est que le mec copie pour vendre. Parce que là, il y a... Tu en as actuellement. Ça c'est vraiment grave. Pierre, parce que ça devient... Est-ce que vous avez conscience de cette menace qui pèse aujourd'hui sur vous? Absolument. Mais je vais vous le dire, est-ce qu'une personne qui enregistre un film à la télévision avec un magnétoscope, est-ce qu'il ne fait pas de la copie lui aussi? Est-ce que vous achetez encore des CD? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des CD que j'achète parce que les téléchargements ne sont pas forcément de bonne qualité. Donc si vous voulez, j'ai une pré-écoute. Mais vous sélectionne. Oui. Vous savez, Pierre, vous faites ça avec ce qu'on appelle le système du peer-to-peer, c'est ça? Le système peer-to-peer, avec une petite astuce, parce que bon, comme je sais qu'il y a des, il y a actuellement, on est un petit peu poursuivi, donc j'ai une petite astuce. Oui, parce qu'on peut vous pister, effectivement, aujourd'hui, vous savez. On peut pister par l'adresse IP de l'ordinateur. Bon, j'ai un petit logiciel qui change d'adresse IP toutes les 5 minutes. Mais dites-moi, Pierre, si jamais, effectivement, on pouvait télécharger de la musique pour 10 centimes d'euros, au lieu de 99 centimes d'euros, et si le prix du CD baissait, est-ce que vous téléchargeriez moins gratuitement? Ah non, quand... Alors je pense que si j'avais des enregistrements de qualité pour 10 centimes d'euros, je pense que je paierais. Bah, c'est impossible. Mais le problème, Pierre, pourquoi on ne met pas en taule les gens qui ont un magnétoscope et qui enregistrent des films qui passent écoute, c'est la loi. C'est ce que ça veut dire, la loi. Respecter la loi, excusez-moi. Mais la loi, c'est les hommes qui la font, c'est pas Dieu. Non, mais c'est interdit. Alain, par la loi. Alain, reconnaît quand même que c'est ubuesque. La musique, elle se fait pas gratuitement. C'est qu'à un moment donné, si tout est gratuit, il n'y aura plus de musique. Comment tu les payes, les musiciens? Comment tu payes? La solution qui consiste à faire traquer par des gendarmes des gens qui enregistrent en douce chez eux est stupide. C'est juste interdit. Et la preuve d'une crise. C'est quoi ta solution, toi? D'abord, que quand on achète un CD, il y a un plus produit qui fait qu'on a envie de l'acheter et qu'on sait pourquoi on paye, et qu'on puisse charger pour pas très cher. D'abord, effectivement, pour découvrir les musiques, parce que moi, on me dit le dernier disque, machin, est bien. Je l'achète, ça me coûte 130 balles. Il y a un premier morceau que j'entends là, ok, bien, le reste c'est que de la merde, je me suis fait voler 130 balles. Et ben, il y a une telle crainte aujourd'hui de se faire arnaquer qu'on n'achète plus rien. Or, de pouvoir écouter d'abord, et peut-être à limite qu'il y ait des... Il faudrait trouver des espèces de... Pourquoi tu dis c'est subjectif, Karim? Parce que ses goûts ne sont pas les miens, ne sont pas les tiens, et enfin, si lui peut trouver de la merde, moi je peux le trouver très bien. Il faut se servir d'Internet comme moyen d'amener les gens à acheter des disques, ou comme moyen de les payer moins cher. Mais une opposition frontale à ce délit qui est incontrôlable, de manière brutale et stupide, est contre-productive. Alors, je fais appel à votre intelligence. Tu as des artistes aujourd'hui qui essayent d'innover, comme par exemple Colchian, que nous avions reçu ici, Olivier, qui en plus du CD, de l'autre côté du CD, fait un DVD avec un petit making-of de son album. Ça reste au même prix. Tu as des artistes qui, sur trois chansons, mettent des clips. Ça, c'est de plus en plus. Et c'est vrai que c'est un plus produit. Il y a même des mecs qui mettent des chansons à télécharger exprès pour que les gens la téléchargent, aiment bien et achètent le disque après. Mais vous confondez deux problèmes. Je suis d'accord avec vous sur les moyens de faire chose de plus intelligent. En attendant, c'est interdit. C'est la loi. On punit les gens qui dérogent à la loi. C'est une chose interdite que les gens font toute la journée. C'est basique. C'est la loi. Donc on punit les gens qui dérogent. Quand un chanteur célèbre fait l'apologie de la cocaïne dans un journal qui s'appelle Le Monde, les flics débarquent pas chez lui. Hein? Quelques mêmes parce qu'on a énormément de réactions sur Internet, c'est normal. Ça c'est gratuit. rmcinfo.fr. Y a Romain par exemple qui nous dit, pouvez-vous m'indiquer le texte qui interdit aujourd'hui le téléchargement? Le code de la propriété intellectuelle interdit cela sur les logiciels, mais il n'y a aucun texte précis sur les autres œuvres. Si vous pouviez me démontrer le contraire. Et effectivement, Romain pose peut-être une bonne question. On va chercher. Serge, il est possible aujourd'hui d'agrémenter les CD avec des vidéos, des bonus, en augmentant la qualité du rapport qualité-prix des CD. Cela pousserait les gens à acheter des originaux plutôt que de télécharger. C'est ce que dit Alain Soral, donc. Et puis Jean-Pierre, il reprend l'argument que je développais tout à l'heure. Y a-t-il une différence entre prendre trois pommes qui sont dans un étalage sur un trottoir devant une boutique, fruits et légumes, et télécharger de la musique? Dans un cas, on voit notre geste. Dans l'autre cas, on ne le voit pas. C'est vrai, c'est pas parce que la délinquance, tu la fais pratique chez toi, que ce n'est pas la délinquance. Tu comprends du vol. Tu arrives, toi, tu mettras en garde tes enfants qui vont devenir ados, qui vont peut-être aller surfer sur Internet pour qu'ils téléchargent de la musique. Tu les mettras en garde ou pas? Moi, bien entendu, j'essaie autant que possible de pas mettre en porte-à-faux avec la loi. Hein. Si la loi stipule que c'est interdit, comme c'est pourquoi, Karim? Hein? On sait pourquoi, Karim? Oh, tu parles avec un handicap. Moi, je m'appelle Karim, il faut faire attention. Merci d'être mon avocat, Alain. Mais non, je ne suis pas le fantasme du délit de faciès. En plus, le pauvre prof avait été d'origine maghrébine. Je ne suis pas dans ce trip-là. Je suis sûr que si on le trouve très séduisant, toutes les femmes t'agressent. Tu parles. Karim Zeribi, Sophie de Menton, Alain Soral, l'entraîneur de boxe. Karim Zeribi, l'homme qui a failli devenir footballeur professionnel, c'était limite, mais qui est aujourd'hui toujours fan de foot, pour parler de la sécurité dans les stades. Réunion cet après-midi chez le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, avec tous les acteurs du foot. Proposition du ministre de la Justice, Dominique Perben, la semaine prochaine pour éradiquer la violence et le racisme, avec notamment le droit de fouille pour les stadiers qui pourront fouiller les spectateurs qui viendront au stade, et puis peut-être aujourd'hui la carte d'identité et l'exclusion, pourquoi pas, pendant plusieurs années ou à vie des stades s'il y a un acte de délinquance. D'accord, pas d'accord, les grandes gueules avec vous au 32-16. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Écoutez RMC.